Alors, si j'avais le temps, je le ferais. Comment est-ce que vous diriez ça? Si j'avais, donc, en espagnol, après « si », on va utiliser la forme tirée du passé du point. Alors, comment dit-on « j'ai eu » C'est un point dans le passé. Tuve. Tuve. Et « il » ou « elle » ont eu, au passé du point, c'est donc Tuvieron. Tuvieron. Tout à fait. Et à partir de là, on obtient la forme du subjonctif imparfait. Tuviera. Oui, c'est ça. Donc, si j'avais. Si tuviera. Encore une fois. Si tuviera. Très bien. Alors, comment direz-vous si j'avais le temps? En espagnol, on dit si j'avais temps, sans le. Si tuviera tempo. C'est tiempo. Ah oui. Si tuviera tiempo. D'accord. Alors, encore une fois. Si tuviera tiempo. Bien. Si tuviera tiempo. Bien sûr, si tuviera peut vouloir dire si j'avais. Mais aussi, si vous, usted, aviez, s'il avait, si elle avait, et donc, normalement, si on vous demande « Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ?» et que vous répondez « Si tuviera tiempo », on comprend que vous voulez dire « Si j'avais le temps, moi hein ». Mais s'il y a un doute possible, alors vous précisez « Si yo hein ».« Yo » qui sert alors d'élément distinctif. « Si yo tuviera tiempo hein ». Si yo tuviera tiempo, je le ferai. Donc, lo haría. Bien, haría, lo haría, c'est ça. Lo haría. Donc, si tuviera tiempo, lo haría. Alors, si je n'étais pas fatigué, ça sera... Si no estaría... Attention, si je n'étais pas, il vous faut partir... Du passé du point, du passé sans plongeoir. Si no estuviera. Bien, si no estuviera, si no estuviera, si je n'étais pas fatigué, comment direz-vous ça? Vous êtes une femme, donc fatigué au féminin, ça se dit cansada. C'est ça, cansada. Pour une femme ou cansado pour un homme. Donc, dans votre cas, si no estuviera cansada, si je n'étais pas fatigué, je le ferais. Lo haría. Lo haría. Si no estuviera cansada, lo haría. Si je n'étais pas fatigué, je le ferais. Et si j'étais sûr, je le lui dirais. Cette fois, c'est vous qui parlez. Donc, un homme. Si j'étais sûr. Si estuviera. Très bien. Si estuviera. Et sûr, seguro. Ou segura, si vous êtes une femme. Donc, vous, vous êtes un homme. Vous direz. Si estuviera seguro. Si estuviera seguro. Si estuviera seguro. Je le lui dirai. Le diría. Là, vous avez dit « je lui dirai ». Le diría. Mais « je le lui dirai ». Oui. Le lo... Non. Se lo diría. C'est ça, tout à fait. Se lo diría. Encore une fois, si j'étais sûr, je le lui dirai. Si estuviera seguro, se lo diría. Si estuviera seguro, se lo diría. D'accord. Donc, on a ces deux verbes amis, decir et hacer, qui donnent diría et haría. Et estuviera, c'est la forme du subjonctif imparfait, c'est-à-dire la forme tirée du passé du point qu'on emploie notamment après si, pour estar. Et pour l'autre verbe être, ser, qu'est-ce qu'on va avoir? Voyons. Comment dit-on « il a été » Il a été au passé du point. Pensez à la forme « il fut » en français. Fouet. Fouet, tout à fait. Et ils ont été, ils furent. Fueron. Fueron, d'accord. Et donc, maintenant, comment direz-vous « si c'était important, je te le dirais ». Si fuera. Si fuera, d'accord. Si fuera, si c'était important. Importante. Si fuera importante, c'est ça, je te le dirais. Te lo de... non, diría. Te lo diría. Alors, encore une fois, si c'était important, je te le dirais. Si fuera importante, te lo diría. Bien, si fuera importante, te lo diría. Et comment direz-vous, si c'était nécessaire, je le ferais. Si... Si fuera. Si fuera, d'accord. Si c'était nécessaire. Necesario. D'accord. Alors, encore une fois, si c'était nécessaire. Si fuera necesario. Si fuera necesario, c'est ça, je le ferais. Lo haría. Lo haría. Encore une fois, si c'était nécessaire, je le ferais. Si fuera necesario, lo haría. C'est ça. Si fuera necesario, lo haría. Et maintenant, comment dites-vous « j'avais » Tenía. Tenía. Tandis que « j'ai eu » au passé du point. Tuve. Tuve. Et « il » ou « elle » au pluriel ont eu au passé du point. Tuvieron. Tuvieron. Et si j'avais, maintenant, après si, il vous faut utiliser le subjonctif imparfait. Et pour ça, vous avez besoin de partir du passé du point avec il ou elle au pluriel. Alors, si j'avais, ça sera... Si tuviera. C'est ça, si tuviera.